إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله. Aujourd'hui, le lundi 15 ذو القعدة de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 6 juillet 2020. Je suis très heureux de vous retrouver afin de poursuivre ensemble notre lecture du livre de l'imam Ismaïl ibn Kathir al-Dimashqi, son livre qui s'appelle Al-Fusul fi Sirati Rasul. Dans la dernière partie de ce livre, dont l'imam Ibn Kathir a parlé des spécificités de notre prophète alayhi salatu wassalam, tout d'abord par rapport aux autres prophètes, ensuite par rapport aux membres de sa communauté, on a parlé dans le cours précédent de ses particularités dans le domaine de la purification et la salat. Aujourd'hui, nous allons commencer bi'idhnillahi ta'ala avec le chapitre de la zakat. Avant de commencer, un frère qui s'est posé la question, comment devons-nous comprendre du fait que les cœurs des prophètes ne dorment pas? On comprend le sens apparent. Son cœur ne dort pas, c'est-à-dire il est toujours en dhikr. Il est toujours dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est éveillé avec le rappel et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la signification. Donc j'ai dit par rapport au... Sinon, il y a une règle chez Al-Sunnah al-Jama'a, dans tous les textes, on les comprend selon le sens apparent. Et on a recours à une interprétation que quand il y a un argument qui nous dit que le sens apparent n'est pas voulu. Il y a un dalil qui nous dit que c'est pas le sens apparent qui est voulu. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à nous dans le Coran ou dans les paroles de son prophète alayhi salatu wassalam, dont les termes sont les termes du prophète alayhi salatu wassalam, mais les sens sont révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, dans le discours religieux, le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous avec la langue arabe. Et on doit comprendre de ces textes ce que les Arabes comprennent. Et ça, c'est la règle de base chez Al-Sunnah wal-Jama'a. Ils comprennent le sens apparent. Bien évidemment, on comprend le sens apparent pour les Arabes éloquents, pour lesquels le Coran a été révélé. Si nous, notre niveau d'arabe a baissé, notre langue a été corrompue, on va pas comprendre le Coran avec cette langue corrompue. Par exemple, un terme qui était utilisé à l'époque du prophète alayhi sallam dans un sens, après son sens a été altéré, a été changé dans la pratique des gens. Mais ça, c'est une des particularités de la langue arabe. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservée. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de préserver le Coran. Et parmi les moyens de préserver le Coran, la préservation du Coran, c'est les termes et le sens. Les deux sont préservés. C'est pas que les paroles du Coran. C'est les termes, les paroles et les sens également sont préservés. C'est pour ça, celui qui veut arriver à la bonne compréhension, à notre époque, ceci est accessible pour lui, alhamdulillah. en revenant aux exégèses du Coran de confiance, tels que l'imam Ibn Jarir al-Tabari. Ou si on revient avant l'imam Ibn Jarir al-Tabari, l'imam Ibn Jarir al-Tabari est cité souvent parce que c'est le cheikh des Mufassirin. C'est lui qui a fait tafsir avant lui. Il y avait d'autres tafsirs, mais la plupart des tafsirs étaient inclus dans les livres de la Sunna. Si vous prenez le livre de l'imam al-Bukhari, il y a tafsir. L'authentique de l'imam muslim, il y a tafsir, et ainsi de suite. Les livres de la Sunna contiennent des portes dans lesquelles ils abordent tafsir. Ils rapportent tafsir prophétique, et également tafsir des compagnons et de tabi'in, tels que Mujahid à leur tête, Mujahid, rahimahullah. Donc, quand vous entendez les savants dire qu'on comprend le sens apparent, c'est ce que comprennent les Arabes. Les Arabes, dont la langue est encore pure. Et cette langue arabe pure, elle est préservée encore aujourd'hui. Les Arabes aujourd'hui n'ont pas la langue arabe d'une manière innée. Et yani, ils l'apprennent dans la société et au quotidien, comme c'était le cas avant pour les compagnons et avant eux, radiyallahu anhum. Nous, on apprend la langue arabe avec l'apprentissage et l'étude de la langue arabe avec ses différentes sciences, qui sont au nombre de 12 pour certains savants. Donc c'est comme ça qu'on arrive à acquérir de notre époque la langue arabe. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que quelqu'un qui arrive à acquérir la langue arabe par l'apprentissage, c'est pas comme quelqu'un qui a la langue arabe d'une manière innée, et l'acquisition de la langue arabe, c'est depuis sa naissance, dans sa société dans laquelle il grandit, il évolue, il a la langue arabe, tout le monde parle la langue arabe avec toute son éloquence. Ça sera jamais le même niveau. Mais ça, on peut acquérir un niveau qui nous permet, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir une bonne compréhension du Coran. Avec l'aide d'Allah Azza wa Jalla tout d'abord, et puis l'aide de tafsir de confiance. Et j'ai cité le premier d'entre eux, le tafsir de l'imam Ibn Jarir al-Tabari. Ensuite, le tafsir de l'imam al-Baghawi. Et le tafsir de l'imam Ibn Kathir al-Dimashqi. Et parmi les contemporains, parmi les meilleurs tafsirs qu'on a entre nos mains, tafsir Sa'di rahimahullah, Cheikh ibn Uthaymeen, de Cheikh ibn Uthaymeen rahimahullah. Son tafsir est un excellent tafsir qui peut être utilisé pour débuter dans le tafsir. Et la particularité de ce tafsir, en plus de l'accessibilité et la facilité, c'est que l'imam Ibn Sa'di rahimahullah met l'accent sur les versets de Tawhid. Et il ne laisse pas passer une occasion dans laquelle il peut aborder Tawhid sans y parler. Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Sunna. Donc le chapitre de Zakat. L'imam Ibn Kathir, dans ce chapitre, il a cité une seule mas'ala, qui représente une particularité du prophète, alayhi salatu wassalam, par rapport aux membres de sa communauté. C'est que la sadaqa lui a été interdite, que ce soit une sadaqa obligatoire ou surrogatoire. Sadaqa obligatoire, la zakat. Sadaqa, ils disent l'aumône. L'aumône. Sadaqa. Que ce soit une aumône obligatoire qui est la zakat, ou surrogatoire. Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam, lui est pas autorisé de manger de la sadaqa. Avec ces deux catégories. car il a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, selon Abd al-Muttalib ibn Rabi'a, radiyallahu anhu, il a dit, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ. Il a dit, la sadaqa n'est pas licite pour Muhammad, ni pour la famille de Muhammad. Et la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur est pas autorisé de manger de la sadaqa également. Ils ont dans ce point la même, yani le même critère ou la même particularité que le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc ça, yani si on regarde le mas'ala par rapport à l'interdiction de manger de la sadaqa, on dira que le Nabi alayhi salatu wassalam ne l'a pas d'une manière exclusive. Il l'a avec tous les membres de sa famille. Et si on regarde le mas'ala du fait que l'interdiction est liée au prophète alayhi salatu wassalam, même pour les membres de sa famille, on dira que c'est une particularité du prophète alayhi salatu wassalam. Car ceci n'est valable pour personne d'autre. Quelqu'un, à cause de lui, la sadaqa n'est pas autorisée pour toute sa famille. Ça, c'est valable que pour le Nabi alayhi salatu wassalam. Dans un autre hadith également rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, yani, que le messager alayhi salatu wassalam mangeait et acceptait le cadeau et il n'acceptait pas la sadaqa, il ne la mangeait pas. Il ne l'acceptait pas, il ne la mangeait pas. Ça c'est rapporté également dans l'authentique de l'imam Muslim. Donc par rapport à la famille du prophète alayhi salatu wassalam, il y a trois avis des hommes de science. Ici l'imam Ibn Kathir ne l'a pas mentionné, mais peut-être c'est intéressant pour savoir qui sont les membres de sa famille qui sont visés ici, les Al Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier avis dit que la famille du prophète alayhi salatu wassalam qui est visée, c'est les Banu Hashim et les Banu Al-Muttalib. Il y en a qui voient que ce sont les Banu Hashim et les Banu Al-Muttalib. Et les Banu Hashim, il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Donc le rajout, c'est au niveau des Bani Al-Muttalib. Le deuxième avis, il voit que, ni selon le deuxième avis, ce sont uniquement les Banu Hashim. Hashim, si vous vous rappelez de la lignée généalogique du prophète alayhi salam, il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim. Donc Hashim, c'est son grand-père. Hashim, c'est son arrière-grand-père, très exactement, mais on peut dire son grand-père. Donc les Banu Hashim sont la famille du prophète alayhi salam. À notre avis, il dit les Banu Hashim et les Banu Al-Muttalib. Les Banu Al-Muttalib. Et le troisième avis, ce sont les Banu Hashim jusqu'à Ghalib. Donc rentre dedans Banu Al-Muttalib et Banu Umayya et Banu Nawfal jusqu'à Bani Ghalib. Jusqu'à Bani Ghalib. Donc selon cet avis, c'est l'avis le plus large, le plus large. Ça va englober tous les frères de Hashim jusqu'à Ghalib, en montant jusqu'à son arrière-grand-père Ghalib. Le premier avis, pour récapituler, ce sont uniquement les Banu Hashim. Le deuxième avis, c'est les Banu Hashim et les Banu Al-Muttalib, donc uniquement un frère, ou plutôt on va dire uniquement deux frères. Et يعني pour cet avis il y a un dalil. Il y a un dalil que les savants citent par rapport à ce deuxième avis. Et le troisième avis, c'est l'avis le plus large. Donc ça va englober tous les frères de Hashim jusqu'à son arrière-grand-père, Ghalib. Donc ça, c'est les trois avis par rapport à ceux pour lesquels la sadaqa est interdite. Yani, trois avis qui représentent le premier avis. Le deuxième, c'est, ce sont la famille du prophète, alayhi salallahu alayhi salam, ce sont sa descendance et ses épouses, uniquement. Ce sont sa descendance et ses épouses, alayhi salatu wassalam, uniquement. Et il y a un avis qui dit que ce sont tous ceux qui l'ont suivi. Donc ça, c'est dans la définition générale des Al, la famille du prophète, dans la prière sur lui ou les choses comme ça. Mais au niveau de la sadaqa, c'est les trois premiers que je vous ai cités. C'est ou bien les Banu Hashim seulement, les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib, les Banu Hashim et tous les frères de Hashim, en montant jusqu'à Ghalib. Shafi'i rahimahullah a un avis comme quoi l'aumône surrogatoire était autorisé pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et ce qui était interdit, c'est uniquement la zakat. Ceux qui l'ont rapporté de l'imam Shafi'i, ce sont Abu Hamid et Al-Qaffal, deux grands savants de l'madhab Shafi'i. Le grand savant Abu Amr ibn al-Salah, celui qui a le Muqaddimat ibn al-Salah dans la science de l'Mustalah. Lui, il a dit que les deux savants qu'on a cités précédemment, Abu Hamid et Al-Qaffal, yani c'était... Il ne sait pas comment ils n'ont pas vu l'avis juste de l'imam Shafi'i. Et que son avis, en réalité, c'est le premier que l'imam Ibn Kathir a cité. C'est que la sadaqa, de manière générale, est interdite pour le prophète, ainsi que pour toute sa famille. Que ce soit la sadaqa obligatoire ou la sadaqa surrogatoire. Tout ça, c'est interdit pour le prophète et sa famille. Sa famille, est-ce que c'est uniquement les Banu Hashim? Banu Hashim et Banu al-Muttalib? Banu Hashim et tous les frères de Hashim au montant jusqu'à Ghalib. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a cité un point concernant cette mas'ala. Les gens, les tribus, après la mort du prophète, les tribus qui ont refusé de donner et d'acquitter la zakat, parce qu'ils ont eu une interprétation, car Allah Azza wa Jalla dit, خذ من أموالهم صدقة. Prends de leurs biens une aumône. Yani, ce qui est visé dans ce verset, c'est l'aumône obligatoire. Donc, ils ont dit que la zakat, ça se donne uniquement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah Azza wa Jalla lui a dit, prends de leurs biens. Et il n'a pas dit au gouverneur après lui de prendre la zakat. Donc ça, c'est l'interprétation qu'ils ont eue. Et c'est pour ça qu'ils ont refusé, après la mort du prophète, d'acquitter la zakat. Et il y a eu beaucoup d'apostasie de l'islam par rapport à ça. Et Abu Bakr Siddiq, qui est resté ferme dans ce point, et il les a combattus jusqu'à ce qu'ils ont acquitté la zakat, et ne les a pas excusés. Donc, ce point avec lequel ils ont refusé d'acquitter la zakat n'est pas valable. Et les savants ont expliqué, ont donné les réponses à ce point, ils ont donné la réponse à ce point, et que la récolte de la zakat n'est pas spécifique au prophète alayhi salam, c'est pour lui et pour les gouverneurs après lui. Un pilier de l'islam n'est pas lié au prophète alayhi salam. Cette compréhension est lointaine et très faible. Il ne peut pas y avoir une obligation dans l'islam, un pilier de l'islam, on le pratique pendant le vivant du prophète. Après sa mort, il s'arrête. Ceci n'est pas vrai. C'est pour ça Abu Bakr radiallahu anhum les a combattus. Les a combattus et jusqu'à ce qu'ils ont accepté de donner la zakat et par la suite ils sont revenus dans l'islam. Mais sinon, il y a eu beaucoup d'apostasie après la mort du prophète alayhi salatu wasalam dans les tribus autour de l'Madina. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, par la position ferme de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, toutes ces tribus sont revenues dans l'islam. Alhamdulillah. Ensuite, nous passons au livre du jeûne, du siyam. Le livre du Siyam. Parmi les particularités, et là aussi l'imam Ibn Kathir a cité trois points. Le premier, c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam avait l'autorisation et c'était permis pour lui d'enchaîner le jeûne. D'enchaîner le jeûne. Je vais vous expliquer ce que c'est le wissal. Al-wissal dans Siyam, c'est le fait de jeûner au moins 2 jours d'affilée sans rupture du jeûne entre les deux. C'est-à-dire, il va enchaîner le jour avec la nuit avec le lendemain. Et il peut faire ça pendant 2 jours au minimum, sinon ça peut être plus. Ça, comme vous savez, pour nous, c'est interdit. Al-Wissal est interdit pour nous, pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est parmi ses particularités que c'était autorisé pour lui. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait de jeûner et d'enchaîner plusieurs jours d'affilée sans rupture du jeûne. Et ça n'est permis pour personne en dehors de lui. Donc ça, c'est un point sur lequel il y a unanimité des savants. Et il a interdit à sa communauté de le pratiquer. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, et toi tu le fais. Parce qu'ils l'ont vu faire. Yani enchaîner le jeûne sans rupture. Il leur a dit, je ne suis pas comme l'un d'entre vous. Je reste auprès de mon Seigneur, il me donne à manger et à boire, rapporté dans les 2 authentiques. La question maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne à manger et à boire. Est-ce que c'est un manger réel? Est-ce que c'est une nourriture réelle? Il est nourri réellement, yani c'est matériel ou c'est immatériel? Il est nourri moralement parlant. Il y a une divergence entre les savants sur ce point. Et la vue juste, comme il dit l'imam Ibn Kathir, c'est que le Nabi alayhi salam est nourri moralement. C'est pas une nourriture yani réelle. C'est une nourriture de l'âme. Et non pas la nourriture du corps. Le manger et boire qu'on connaît. C'est une nourriture de l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, qui lui suffit et qu'il en dispense de manger la nourriture du corps. Car, voilà le dalil pourquoi c'est ça la vie juste. Parce que si jamais Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait à manger et à boire réellement de la nourriture et de la boisson réelle, ce serait pas un wissal. Nabi alayhi salam n'aurait pas enchaîné le jeûne alors, s'il mangeait et il buvait. Donc il n'y aurait pas de particularité pour lui dans ce point. Mais la particularité justement, c'est qu'il ne mangeait pas, qu'il ne buvait pas. Et cette nourriture qu'il a décrit ici, c'est la nourriture de l'âme. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît même nous, comme les savants précisent. Même nous, on connaît ça. Il y a une journée dans laquelle tu es préoccupé par la lecture du Coran, par l'apprentissage, et Annie t'assiste à des cours, tu peux oublier la faim et la soif. Tu peux oublier la faim et la soif avec la nourriture de l'âme. Donc ça, c'est la force morale qui lui est donnée avec l'adoration et le rappel et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre mas'ala concernant le jeûne, on sait que le Nabi alayhi salam, comme c'est rapporté dans les deux authentiques, qu'il embrassait ses épouses pendant le jeûne. Pendant qu'il jeûnait, il embrassait ses épouses, alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté que ceci est spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam. Ceux qui ont dit que c'est spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam, par la suite, ils ont divergé. Est-ce que pour les autres, les membres de sa communauté, ceci est détestable, interdit, autorisé? Ou est-ce que ça annule le jeûne de celui qui le fait? Tout ça, c'est des avis. Ou est-ce que c'est recommandé d'embrasser pendant l'état de jeûne? Ou est-ce qu'on fait la distinction pour les bisous, donc pendant le jeûne? On fait la distinction entre l'homme âgé et le jeune homme. Donc tout ça, c'est des avis. Ceux qui ont dit que embrasser pendant le jeûne pour le prophète A.S. était une de ses particularités, il y en a qui ont dit que c'est interdit pour les autres, mais ça n'annule pas le jeûne. Il y en a qui ont dit que c'est autorisé, donc c'est pas une particularité du prophète A.S. D'autres ont dit que ça annule le jeûne. Si jamais t'embrasses ta femme pendant le jeûne, ça l'annule. D'autres ont dit que c'est recommandé parce que c'est une sunna. Nabi alayhi salam l'a fait. Et d'autres ont dit qu'on fait la différence entre la personne âgée qui contrôle ses envies, le vieux qui contrôle ses envies, et le jeune homme qui va avoir beaucoup plus de mal à contrôler ses envies. Peut-être qu'il va commencer par embrasser sa femme, lui faire un bisou, ça va lui donner des envies. Peut-être qu'il peut arriver à des choses très graves, jusqu'à transgresser la sacralité du jeûne, wal'iyadu billah. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Car Shaitan peut mener la personne petit à petit vers ce qu'il veut pour elle. C'est pour ça que la religion est venue en fermant toutes les portes et toutes les voies qui mènent vers le mal, ce qu'on appelle « sadd al-dhara'i ». C'est pour ça qu'il faut faire attention, et surtout pour les jeunes hommes, il faut qu'ils évitent cela. Et ça, c'est l'avis qui est donné par la plupart des savants. C'est qu'on fait la distinction entre la personne âgée et le jeune homme. Autrement dit, on fait la distinction entre la personne qui contrôle ses envies, qui se contrôle bien, et une personne qui se contrôle moins bien. La personne qui se contrôle bien, on lui dira que c'est autorisé. La personne qui ne se contrôle pas bien, on lui dira qu'il ne faut pas le faire, que c'est interdit pour elle. C'est interdit parce que ça peut mener vers un très grave interdit dans l'islam. Et ça peut finir même dans des cas où, ni qu'Allah nous en préserve, par les rapports et la pénétration. Et ça, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Et comme j'ai dit, Shaitan, subhanallah, ni comme une fois j'ai entendu un de nos chouyours, il a raconté une histoire d'un homme très âgé qui est venu lui demander une fatwa. par rapport à cette chose qu'on est en train de voir. Et cet homme très âgé, il est venu, il a dit que pendant le jeûne, il a eu des rapports avec sa femme. Alors qu'il n'a pas eu de rapport avec elle, peut-être pendant des mois ou peut-être même des années. Ça, c'est pour comprendre que Shaitan est derrière ces choses-là. Tu peux trouver un homme, il n'a pas envie de relations intimes et de rapports, mais pendant le jeûne, il va avoir tellement de pensées, tellement d'idées. Et s'il se laisse aller dans ses pensées, ça peut arriver à ce qui est pire. C'est pour ça, faut toujours fermer les portes du mal dès le début. Et ne pas se laisser aller avec les pensées de Shaitan et avec l'ouswas de Shaitan. Une autre mas'ala, ils ont dit que le prophète alayhi sallam, quand il commençait un jeûne surrogatoire, c'était une obligation pour lui de le finir. Il ne pouvait pas l'interrompre. On sait que pour nous, le jeûne surrogatoire, on peut l'arrêter. Pour une raison, sans raison. Malgré que le mieux, quand tu commences une bonne action, c'est de la finir. Mais imaginons, tu veux arrêter le jeûne. Sans qu'il y ait de raison. Ça reste autorisé. Ça reste autorisé, tu prends pas de péché et tu dois pas rattraper une autre journée non plus. Sauf quelqu'un qui souhaite rattraper la récompense qu'il aurait eue en jeûnant. Mais c'est pas obligatoire, c'est seulement recommandé pour lui. Et c'est recommandé pour lui quand il commence une bonne action de la finir. Et de ne pas l'arrêter que pour quelque chose de meilleur. Ils ont dit, pour Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le cas. Quand il commençait un jeûne surrogatoire, il devait le finir. Et je cite un point, malgré que ça n'a pas de lien avec les particularités du prophète alayhi sallam, mais parce que des femmes peuvent se tromper à ce niveau-là. La femme qui rattrape des jours de Ramadan, elle a le choix de les jeûner quand elle souhaite, à condition de les finir avant l'arrivée de Ramadan prochain. Ça, on est d'accord. Mais quand elle commence le jeûne, elle met l'intention et elle commence son jeûne de rattrapage d'une journée de Ramadan. Est-ce qu'elle peut la rompre et l'arrêter sans qu'il y ait une raison valable qui lui autorise d'arrêter le jeûne pendant Ramadan? Comme les raisons valables avec lesquelles on arrête le jeûne pendant Ramadan. Sans qu'il y ait de raison, la réponse, c'est non. Parce que dès qu'elle rentre dans le jeûne, ça devient une obligation pour elle. Car le rattrapage d'une journée obligatoire est obligatoire. Dès qu'elle le commence, elle a le choix avant de le commencer. Mais dès qu'elle le commence, elle doit le finir. Il y a une autre mas'ala qui est similaire. C'est le Hajj et l'Umra, accompli d'une manière surrogatoire. Naam, c'est surrogatoire. Et c'est pas obligatoire. Du moment qu'il a fait le Hajj une fois dans sa vie et qu'il a fait l'Umra une fois dans sa vie. Tout ce qui va suivre n'est pas obligatoire. Mais quand tu commences le Hajj, est-ce que tu peux l'interrompre? La réponse, non. Quand tu commences l'Umra, est-ce que tu peux l'interrompre? Non. Et ça, c'est spécifique à le Hajj et l'Umra. C'est spécifique à l'Hajj et l'Umra. Ceux qui ont donné cet avis que Nabi Issa sallam, quand il commence un jeûne obligatoire, un jeûne surrogatoire, il était dans l'obligation de le finir, ils se sont basés sur un dalil faible. Et même, ce qui est authentiquement rapporté dans l'authentique de l'imam muslim selon Aisha radiallahu anha, c'est que le messager d'Allah alayhi sallam, un jour est entré chez elle, elle lui a dit, ô messager d'Allah, nous avons un haïs, une nourriture. Il a dit, montre-le-moi, car je suis en jeûne aujourd'hui. J'ai jeûné aujourd'hui. Et il a mangé de ce haïs. Ça veut dire, il a interrompu son jeûne. Le haïs, comme j'ai dit, c'est un mélange de dates et d'huile ou de gras, quelque chose comme ça, du beurre ou là du gras, et une sorte de fromage séché, qui s'appelle al-aqit. Donc c'est une nourriture qu'ils préparaient et qu'ils avaient disponible. Et c'est une nourriture qui est très connue fil Medina jusqu'à nos jours. Fil Medina, ils rajoutent avec de la farine d'orge. L'orge, des dattes, et ils mettent quelque chose de gras, de l'huile ou du beurre. Et ils peuvent rajouter également du miel. Ce qui se fait aujourd'hui, ils mettent aussi du miel. Donc le Nabi A.S. dans ce hadith authentique, dans l'authentique de l'imam muslim, il a rompu une journée de jeûne surrogatoire. Ça veut dire que ce point n'a pas de fondement. Ensuite, par rapport au domaine de l'hajj, le pèlerinage, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a cité trois points également dans ce domaine, par rapport au pèlerinage. Ils ont dit que le Nabi Isa alayhi salam, quand il voyait une chose qui lui plaît, il était dans l'obligation de dire « Labbayka inna al-aisha aishu al-akhirah » de dire « Je réponds à ton appel, ô Allah, car la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. » Quand il voyait une chose qui lui plaisait de dunya, il disait ça. Ni par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Comme l'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na'am, c'est une sunna. Quand tu vois une chose de dunya qui te plaît, de dire cette formule qui te rappelle les vrais biens et la vraie vie, la vie éternelle de l'akhira, et que dunya est éphémère. Eux, ils ont dit, la particularité ici, ils ont dit, que le Nabi Isa A.S., quand il faisait telbiya pour le hajj, il rajoutait cette phrase. Telbiya, comme vous savez, on dit, labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Dans le sens, on dit, Wallah, j'accours à ton appel, ou je réponds à ton appel, tu n'as point d'associé. La louange et le bienfait t'appartient à toi seul, ainsi que la royauté. Tu n'as point d'associé. Ils ont dit que Nabi A.S. dans cet LBA, il rajoutait, yani, cette phrase, La aisha illa aishu al-akhira. Faghfir lil ansari wal muhajira. Wallah, il n'y a pas de, la vraie vie, c'est la vie de l'akhira, de l'au-delà. Pardonne aux ansar et aux muhajira. Muhajira, c'est les immigrants. Mais ce qu'il faut savoir, que cette formule, ce rajout, n'est pas rapporté dans les formules de Talbiya, qui sont rapportés du prophète alayhi sallam, que ce soit dans les deux authentiques ou autres. C'est pour ça que cette mas'ala également n'a pas de fondement. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est légiféré quand tu vois une chose qui te plaît de dunya, de dire yani labbayka labbayka inna al-aisha aishu al-akhira. Ça c'est juste. La deuxième mas'ala par rapport au hajj, c'est que Mecca, la ville de Mecca, la sacralité de la ville de Mecca lui a été autorisée pendant un seul jour et pendant un seul laps de temps. Et il est entré à Mecca sans être dans un état de sacralisation. Alayhi salatu wassalam. Il est entré à Mecca avec les vêtements de la guerre et non pas avec les vêtements de l'ihram. Et ce jour-là, ont été tués parmi les Mécois qui ont résisté à peu près une vingtaine, comme on a vu. Donc ici, l'imam Ibn Kathir a cité deux points en un seul, parmi les particularités du prophète alayhi salam, que Mecca, sa sacralité lui a été autorisée à lui seul, et ceci n'est valable pour personne de sa communauté jusqu'à la fin des temps. Et le deuxième point qu'il a cité, c'est qu'il est entré sans être en état de ihram. Ça aussi, il l'a cité dans les particularités. Par rapport à Mecca, est-ce qu'elle a été conquise de force ou suite à un accord et un pacte? Deux avis des savants et deux avis chez l'imam Shafi'i, que nous cite ici l'imam Ibn Kathir. Et sur chacun des deux avis, il y a des arguments forts. Est-ce qu'on a, comme on avait vu quand on a abordé ce point, Wallahu a'lam, l'avis le plus proche de la vérité, c'est que Mecca a été conquise de force. Parce qu'il y a eu une résistance, il y a eu des combats, il y a eu des tués, donc ça a été conquise de force. Il y a eu une résistance. Et ça, sans aucun doute, c'était parmi les spécificités du prophète, alayhi salatu wassalam. Comme il a dit dans un hadith, dans les deux authentiques, il a dit, si quelqu'un souhaite combattre les gens de Mecca en s'appuyant sur mon combat avec les Mécois, dites-lui, Allah a autorisé cela à son messager et il ne l'a pas autorisé à quelqu'un après lui. C'est clair, ce hadith est très clair. Et on voit ce que le Khawarij font, que ce soit ce qui a été fait par Juhayman et d'autres, ce que le Khawarij font, et ce que font le Houthiyoun aujourd'hui, Rafida du Yémen, ce qu'ils font aujourd'hui, ils transgressent la sacralité de Mecca en envoyant des missiles sur Mecca. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont tenté. Par contre, le deuxième point que l'imam Ibn Kathir a cité, c'est que le Nabi ﷺ est entré sans être dans un état de sacralisation. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça fait partie des particularités du prophète ﷺ? Les savants qui voient que c'est une obligation pour toute personne qui rentre à Mecca d'être dans un état de sacralisation. Pour eux, ça, c'est une particularité du prophète ﷺ. Mais l'avis juste, Wallahu a'lam, c'est que c'est pas une obligation pour toute personne allant à Mecca d'être dans un état de sacralisation, sauf quelqu'un qui veut l'Umrah ou le Hajj. Quelqu'un qui se rend à Mecca pour un travail et non pas pour l'Umrah et le Hajj, c'est pas une obligation pour lui de rentrer avec l'Ihram. Mais il y a des savants qui voient que c'est une obligation et ils voient que ça c'est parmi les particularités de Mecca. Toute personne qui souhaite s'y rendre doit être en état de Ihram. Et donc, pour eux, ça, ici, c'était une particularité du prophète, alayhi salatu wassalam. La troisième mas'ala par rapport au hajj est la dernière. On en a parlé précédemment de cette mas'ala quand on a parlé de salat al-duha et de l'witr. L'imam Ibn Kathir avait cité un hadith et on a vu que ce hadith était faible, que l'witr et duha et le sacrifice de l'Eid, les trois, sont surrogatoires pour la Umma et obligatoires pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais ça, c'est un hadith faible. Et on a vu que Duha n'est pas obligatoire pour lui. Et que l'Witr et Qiyam al-Layl, de manière générale, on a vu que c'était obligatoire au début de l'Islam, pendant 12 mois, une année. Par la suite, ça a été abrogé pour toute la Umma, y compris le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il le faisait pour être reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur et pour remercier les bienfaits d'Allah sur lui. C'est pour ça qu'il priait de nuit jusqu'à ce que ses pieds se sont fissurés, jusqu'à ce que ses pieds ont saigné, jusqu'à ce qu'il a eu des crevasses dans les pieds, alayhi salatu wassalam. Et Aïcha radiallahu anha a eu pitié de lui. Elle lui a dit au messager d'Allah, tu pries autant et tu fais durer autant ta prière de nuit, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et à venir, tes péchés futurs. Il lui a dit, ô Aïcha, ne serait-ce pas un serviteur reconnaissant, alayhi salatu wassalam. Et même les compagnons qui ont pu prier avec lui de nuit, au point où certains ont dit qu'ils avaient pensé du mal pendant leur salat. Et ils étaient interrogés ce que c'était. Ils ont dit, on voulait arrêter salat. Nabi alayhi salam, une fois, il a prié, il a dirigé Abdullah ibn Abbas dans une salat de Qiyam al-Layl, pendant qu'il était chez Maymouna, sa tante, épouse du prophète alayhi salam. Il a prié la première raka'a en récitant Al-Baqara, In-Nas et Ali Imran. Trois grandes sourates, parmi les cinq plus longues sourates de le Coran. Il les a récitées dans une seule raka'a, alayhi salatu wassalam. Et il a fait recours un temps équivalent au temps de sa récitation. Il s'est levé de recours un temps équivalent. Il s'est prosterné un temps équivalent. Il s'est assis entre les deux prosternations un temps équivalent, et ainsi de suite, car sa salat était égale, alayhi salatu wassalam. Les parties de sa salat étaient égales. Il mettait à peu près le même temps dans chaque pilier, alayhi salatu wassalam. Donc également, le sacrifice de l'Eid n'était pas obligatoire pour lui. Il avait le même jugement que la Ummah. Et c'est un acte très recommandé. C'est un acte très recommandé pour toute la Ummah, y compris le prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a parlé des nourritures et des particularités du prophète, alayhi salatu wassalam, par rapport aux nourritures. Ils ont dit, la première mas'ala, ils ont dit que c'était interdit pour lui de manger de l'ail, de l'oignon et les poireaux. Ces trois choses ont la particularité de dégager, pour celui qui les mange cru, de dégager une odeur très forte qui perdure en plus. Donc ils ont dit que Nabi alayhi salam ne les mangeait pas et que il ne les mangeait pas seulement, et que c'était interdit pour lui. Alayhi salatu wassalam. Et ils se sont basés sur un hadith rapporté selon Jabir radiallahu anhu, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lui a été ramené un plat dans lequel il y avait des choses à manger, et ça dégageait une odeur. Ça dégageait une odeur. Il a dit à ses compagnons, mangez. Et quand Jabir radiallahu anhu a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu manger, il a invité seulement ses compagnons à manger. Il lui a dit, ô messager d'Allah, il lui a demandé, pourquoi tu les as pas mangés? Il lui a dit, mange-toi, car moi, فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي, car moi, je parle avec ceux avec lesquels toi, tu ne parles pas, c'est-à-dire les anges. Et comme dans d'autres hadiths, les odeurs qui font du mal aux humains font du mal aux anges. Yani, si tu as quelqu'un devant toi qui a mangé de l'ail cru, c'est difficile de rester en face de lui. Et on sait que dans la salat, l'ange y vient, il se rapproche tellement de ta bouche pour prendre le Coran que tu récites dans la salat. Et le Coran, quand il sort de ta bouche, quand tu le récites, ça va directement en l'ange. Comme ça c'est rapporté dans le hadith. Et si jamais tu as une mauvaise odeur, tu lui fais du mal. C'est pour ça, c'est demandé dans la salat et dans la récitation du Coran de bien s'habiller, même si tu pries chez toi, et de se parfumer, et d'être propre, et de mettre des bons parfums. Yani, toutes les choses que les êtres humains aiment. Ça, c'est recommandé pendant la salat, la récitation du Coran. Donc, ils ont dit que pour Nabi Issa salam, la particularité, c'est que ces choses-là étaient interdites. Mais l'imam Ibn Kathir, a dit que ce qui est juste, c'est que c'était pas interdit pour lui. Mais c'était uniquement détestable pour la sagesse qu'il a citée dans le hadith. Car il s'adresse, il communique, il parle avec ceux avec lesquels nous on parle pas. Comme ceci a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, selon Abu Ayyub, radiyallahu anhu, al-Ansari, il a préparé à manger au prophète, alayhi salam. Et dans ce plat, il y avait de l'ail. Nabi alayhi salam, comme on avait vu, Abu Ayyub, il demandait quand le plat, il prépare le plat, il l'envoie au prophète alayhi salam, dans le mois pendant lequel il a habité avec lui, dans la même maison. Et après que Nabi alayhi salam mange, il lui renvoie le plat, et lui, il mange avec sa famille le reste. Et il demandait à celui qui a emmené le plat au prophète et qui l'a récupéré par la suite, de lui montrer l'endroit dans lequel Nabi a mangé. Et ce jour-là, justement, Nabi n'avait pas mangé. Il lui a dit qu'il n'avait pas mangé. À cause de l'ail qu'il y avait dedans. Abu Ayyub a demandé au prophète, pourquoi t'as pas mangé? Est-ce que l'ail est haram? C'est interdit? Il lui a dit non, mais je le déteste. Yani, ou plutôt, je dirais non, mais il est détestable pour moi. Il est détestable. Abu Ayyub a dit, alors moi aussi je déteste ce que toi tu détestes. Ou il m'est détestable ce qu'il t'est détestable. Rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Cheikh Abu Amr ibn Salah a dit que ce hadith annule l'avis qui dit que c'était interdit pour Nabi alayhi salam. Car là, Nabi alayhi salam, il dit d'une manière explicite que c'est détestable pour lui uniquement et c'est pas interdit. Bien évidemment, pour ces choses-là, l'ail, l'oignon et les poireaux, c'est détestable à cause de l'odeur. Et même quelqu'un qui mange ces choses-là, cru, il est interdit pour lui, pour l'homme. Et ni l'homme, également la femme. Il est interdit pour lui de se rendre à la mosquée et de prier en groupe. Il doit prier chez lui jusqu'à ce que l'odeur parte. Comme ça, les savants ont dit. Et ils se sont basés sur un hadith authentique. Que celui qui mange de cet arbre puant, qui n'approche pas nos mosquées. Jusqu'à la disparition de l'odeur. Mais par contre, si tu cuisines et tu cuis l'ail et l'oignon et les poireaux, ça n'a pas le même jugement. Comme a dit Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Et ça, c'est quelque chose que vous constatez par vous-même. Manger l'ail cru, c'est pas le même effet que de manger l'ail cuit. Ça, ce jugement, il est pour l'ail et l'oignon et les poireaux crus. Autre mas'ala concernant les nourritures. Et elle est similaire à celle qui a précédé. Ça concerne Ad-Dab, le lézard. Il fait partie des reptiles. Comme vous savez, le lézard, yani, c'est parmi les reptiles. Le Nabi Aïssa sallam a dit dans un hadith authentique, Lestu bi akilihi wa la muharrimih. Rapporté dans les deux authentiques. Il a dit, je ne le mange pas et je ne l'interdis pas non plus. En parlant du lézard. Vous savez, le lézard dans les déserts, c'est une des viandes préférées des gens dans les déserts. Que ce soit dans nos pays en Afrique ou en Arabie, les habitants du désert, c'est une des viandes les plus aimées et les préférées chez eux. Ils disent, il est comme la viande de pigeon. Et c'est au niveau de la queue qu'ils trouvent de la viande apparemment. C'est ce que j'entends. Mais le Nabi Aïssa Salam ne l'a pas mangé. Une fois, il était invité avec Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Le Nabi Aïssa Salam n'a pas mangé. Ils avaient préparé un plat avec de la viande de lézard. Et le Nabi Aïssa Salam n'a pas mangé. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, lui a dit au messager d'Allah, est-ce que c'est haram? Il a dit non. Mais je n'ai pas l'habitude de le manger. Chez les miens, on mangeait pas les lézards. Quraysh, ils mangent pas, ils sont pas habitués à manger les lézards. C'est les bédouins, les gens du désert et de la campagne qui sont connus par ça encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Il a dit, à cause de ça, je le trouve, répugnant. Il provoque un certain dégoût pour moi. C'est ça le sens. Je le trouve dégoûtant, répugnant. Parce que je ne suis pas habitué à le manger. Et je n'ai pas grandi dans un endroit dans lequel les gens mangent le lézard. Et ensuite, Khalid ibn al-Walid, comme il est dit dans le hadith, il l'a dévoré. Radiallahu anhu. Il l'a mangé. Mais l'expression, c'est pour dire qu'il l'a mangé avec beaucoup d'appétit. Le Nabi Aïssa Salam lui a dit que c'est halal. Après, les goûts ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est comme la question précédente. Et l'imam Ibn Kathir a tiré un jugement général de cette mas'ala. C'est qu'il est détestable de manger toute chose que tu trouves répugnante et dégoûtante, même si c'est spécifique pour toi. C'est spécifique pour toi. On sait que ce qui est répugnant pour tout le monde, c'est interdit. C'est pour ça, dans le madhhab al-Hanbali, il voit que toutes les insectes sont répugnantes. C'est pour ça toutes les insectes sont interdites dans le madhhab al-Hanbali, y compris l'escargot. Chez le Malikiya, ils ne partagent pas le même avis que eux. Pour eux, c'est au cas par cas. Il y a des insectes qui ne sont pas dégoûtantes ni répugnantes, tels que l'escargot. C'est pour ça dans le madhhab al-Maliki, l'escargot est autorisé. L'escargot est autorisé dans le madhhab al-Maliki. Donc il a dit que toute chose que tu trouves Donc on ne parle pas de ce qui est interdit de manière générale et sur lequel les savants se prononçaient. On parle d'une chose qui est autorisée à la base. Mais toi, tu la trouves répugnante. Toi, tu détestes la manger. Il a dit que c'est détestable pour toi de manger cette chose-là. Pourquoi ? Parce que il y a un hadith qui a été rapporté, qui est faible, sa chaîne de transmission. Inna min al-qarafi talaf. Tout ce qui est dégoûtant, c'est une cause de maladie et de mal et d'anéantissement. Ce qui est répugnant et dégoûtant est une cause de maladie et de mal. Ce hadith est faible, mais cette règle, comme l'a mentionné l'imam Ibn Kathir, cette règle est valable chez les médecins. Ils disent que quand tu manges une chose qui te plaît pas, ça peut donner lieu à des maladies et à des mauvaises humeurs. Et il a dit, Wallahu a'lam. Et ça c'est vrai, Wallahu a'lam. Et ce n'est pas valable que pour la nourriture. C'est valable pour toute chose. Les choses que tu n'aimes pas, et qui te dégoûte quand tu les fais, en général, ça se retourne sur ta santé. Contrairement aux choses dans lesquelles tu prends plaisir et t'aimes faire, tu peux être malade et en les faisant, tu te sens meilleur. Parce que l'état psychologique et moral a un effet important et conséquent sur ta santé physique. Et ça, tu le trouves dans la guidée et la médecine prophétique. Ce principe, il est très très largement appliqué dans la médecine prophétique. C'est pour ça que quand tu rentres chez un malade, tu lui dis des bonnes paroles. Tu lui dis là, ça. Tahourun, insha'Allah. Il n'y a pas de mal sur toi. Et tu invoques Allah qui lui donne la guérison avec sa permission. Et tu lui dis des bonnes paroles de manière générale. Tu lui dis, tu es meilleur, ta santé, c'est pas t'arrives chez un malade et tu sors, il est sur le point de mourir. Tu vas chez un malade, tu dis que des bonnes choses. Car l'état psychologique joue énormément sur l'état physique. C'est pour ça le croyant, avec la force de foi que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, il arrive à affronter les maladies, il peut être très souffrant, mais yani, dans son humeur, dans son état, dans son apaisement, dans sa sérénité, il est dans des états que n'ont pas les rois, tout en étant très souffrant physiquement. Et ça, c'est la force du cœur. Et la force du cœur, c'est pas la force de ses muscles. C'est sa force de foi. Et aussi parmi les règles de politesse, parmi l'adab, quand tu rends visite à un malade, c'est de lui rendre visite à un moment qui lui convient, pas un moment où il veut se reposer. Et tu viens léger et tu repars léger. Tu restes pas longtemps. Sauf si t'es quelqu'un qu'il aime beaucoup, il aime te voir avec lui, et yani, que tu restes avec lui, vraiment, yani, c'est pas avec la maladie. Ça peut changer. Mais de manière générale, la guidée prophétique, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam rendait visite à un malade, il restait pas longtemps. Et il lui dit que des bonnes paroles, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Une autre mas'ala concernant le manger et le boire, et manger et boire, concernant manger et boire, ce qui a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abu Juhayfa, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, alayhi salam, a dit, par contre, moi, je ne mange pas muttaki'a. Je ne mange pas en étant muttaki'. J'ai préféré ne pas traduire ce mot, jusqu'à donner les différentes interprétations qui lui ont été données par les savants. Certains savants ont dit que le fait de manger muttaki était interdit pour le prophète, alayhi salam. Donc ça, c'est la particularité du prophète, alayhi salam. Pour nous, c'est détestable. Ils ont dit que pour Nabi, alayhi salam, c'était interdit. Mais Nawawi, rahimahullah, a dit que ce qui est authentique, c'est que c'était détestable pour Nabi, alayhi salam, comme nous. Et de cette manière, ça ne fait pas partie des particularités du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est détestable pour nous tous de manger en étant dans cette position de l'ittika. Qu'est-ce que c'est l'ittika? Il y a des savants qui ont dit, muttaki, c'est allongé. C'est de manger en étant allongé. Et c'est ça ce que comprend la plupart des gens de ce terme. Et ça, c'est bien évidemment très néfaste et nuisible pour la santé. De la même manière qu'il a été interdit de boire debout. Et ça aussi, c'est dangereux pour la santé. D'autres savants ont expliqué le fait de manger muttaki'a, comme Al-Khattabi, rahimahullah, l'imam Al-Khattabi. Il a dit, et d'autres savants parmi les savants qui sont des savants du hadith et de la langue arabe aussi, ils ont dit muttaki, ça signifie at-tarabbu'. Et tarabbu', c'est quoi? At-tarabbu', si on veut traduire littéralement, on dira assis sur quatre. C'est le fait de s'asseoir sur les jambes, plier en les pliant devant toi, tu t'assois sur les fesses, et tu plies tes jambes devant toi, de sorte à avoir le pied droit du côté gauche, et le pied gauche du côté droit. Je pense qu'avec cette description, vous voyez ce que c'est. Yani, on l'a appelé tarabbu, parce qu'on s'assoit sur quatre. On s'assoit sur les deux jambes et sur les deux cuisses. Il s'assoit sur ses fesses et il fait passer son pied droit du côté gauche et son pied gauche du côté droit. Comme ça, l'a expliqué également Hafid ibn Hajar, rahimahullah. Ils ont dit, c'est ça, l'imam ibn Kathir a dit, quand on médite cette position, on voit que la vie juste, c'est cette position qui est visée dans le hadith. Et non pas le fait de manger allongé. Ça, c'est clair que c'est détestable. Mais cette position, elle est moins claire. C'est pour ça qu'il a dit que c'est ça la vie juste. Parce que cette façon de manger, mutarabbi'an, en étant assis sur quatre, c'est la façon des gens arrogants, vaniteux. C'est une façon de montrer de l'avantardise et de l'arrogance et de l'orgueil. Wallahu a'lam. C'est ce qu'il a dit, rahimahullah. Une autre mas'ala qui concerne la nourriture, rapportée par Abu al-Abbas ibn al-Qas. C'est le savant sur lequel l'imam ibn Kathir s'est basé. Parmi les savants de Shafi'iyya, un des premiers, si c'est pas le premier, qui a parlé des spécificités du prophète alayhi sallam dans le madhab Shafi'i. Il a dit que le Nabi alayhi sallam, il lui a été interdit de manger le repas et il l'a appelé ta'am al-faj'a, brusque. Ta'am al-faj'a. Et ta'am al-faj'a, c'est quoi? C'est le repas auquel t'as pas été invité. Quelqu'un ne t'a pas invité, on lui ramène son manger, et tu viens, tu t'incrustes, et tu manges avec lui, sans qu'il t'ait invité. Ils ont dit que ça, c'était interdit pour le prophète sallam de manger un repas de cette manière, sans être invité. Al-Bayhaqi rahimahullah a dit qu'il ne connaît pas de dalil sur cette interdiction, que ce soit par rapport au prophète sallam ou par rapport à quelqu'un d'autre. Ça, si c'est interdit, c'est interdit, ça sera interdit dans le domaine de l'adab et des règles de bienséance et de politesse. Ça ne fait pas partie de l'adab de s'inviter tout seul chez quelqu'un et de manger. Mais est-ce qu'il y a une interdiction religieuse? Le Bayhaqi rahimahullah dit qu'il ne connaît pas de dalil pour cela. Il y a un hadith qui a été rapporté dans Sunan Abi Dawud, mais dans la chaîne de transmission est faible, dans lesquels il est dit, selon Abdullah ibn Umar, que le prophète sallam aurait dit, celui qui est invité à un repas et qui ne répond pas et qui refuse l'invitation a désobéi à Allah et à son messager. Bien évidemment, celui qui est invité et qui ne se présente pas et qui ne se rend pas à l'invitation sans avoir une excuse. Comme vous savez, l'invitation qui est obligatoire, c'est uniquement l'invitation au festin de mariage. Ça, c'est une invitation obligatoire à laquelle tu dois te rendre si tu es invité d'une manière nominative, pas une invitation générale, la famille de un tel. Non, si tu invites d'une manière nominative, tu dois t'y rendre, même s'ils vont faire des péchés dans ce mariage, la musique, la mixité, tout ça. Tu dois te rendre d'une manière obligatoire et changer le mal. Si le mal est changé, tu restes. S'il ne le change pas, tu quittes. Qui sera excusé? Quelqu'un qui est faible et il sait qu'il ne pourra pas changer le mal et les blâmer ces interdits qu'ils font dans ce mariage. Celui-là, il n'y va pas. Mais quelqu'un qui est capable de changer le mal, il doit y aller. Et ordonner le convenable et interdire le blâmable. Si ils acceptent de lui, alhamdulillah, il reste. S'ils n'acceptent pas de lui, il quitte le lieu. Sinon, toutes les autres invitations ne sont pas obligatoires. Quand on dit obligatoire l'invitation au festin du mariage, ça veut dire si tu n'as pas une excuse valable, tu prends des péchés si jamais tu n'y vas pas. Et y aller, c'est pas forcément manger. Tu peux y aller un laps de temps et tu pars. Mais sinon, toutes les autres invitations ne sont pas obligatoires. Même si tu n'as pas une excuse valable et tu n'y vas pas, tu ne prends pas de péché. Mais si ton frère t'invite, tu peux prendre des hasanats si tu y vas avec une bonne intention. Faire plaisir à ton frère et répondre à son invitation et lui donner de l'importance. Il t'a invité, il t'est allé. Et c'est une preuve de modestie de ta part, sauf si tu as des raisons qui t'empêchent d'y aller, ou il y a des interdits dans cette invitation. Donc celui qui est invité et qui ne répond pas, il a désobéi à Allah et à son messager. On a compris la signification de cette partie du hadith qui est authentique, qui est rapporté dans les deux authentiques, cette partie. La deuxième partie du hadith, dans Sunan Abi Dawud, وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ فَقَدْ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا. Et celui qui entre, qui se fait inviter chez quelqu'un sans invitation, il est rentré comme un voleur. Il est rentré voleur en réalité. Il sort extorqueur et pillard. Oula est pilleur. Il l'a pillé, Mskine. et il l'a volé. Parce qu'il est rentré chez lui sans sa permission, sans son invitation, il s'est invité de lui-même, il a mangé, il est reparti. Celui-là, c'est comme le voleur. Et comme l'extorqueur. Et comme le pilleur. Le hadith, cette deuxième partie du hadith, est faible. Mais sans aucun doute, ça ne fait pas partie de l'adab de s'incruster chez les gens sans invitation. Le croyant doit préserver sa dignité et n'aller que dans des endroits dans lesquels on nous a invités. Il ne doit pas être poussé par ses envies de manger et de boire à s'inviter chez les gens de lui-même. Une autre mas'ala, toujours dans le domaine de la nourriture, il a dit que c'était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était obligatoire. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à quelqu'un une nourriture qu'il ne trouve pas chez quelqu'un d'autre, s'il te demande une nourriture à toi et que cette nourriture ne se trouve pas chez quelqu'un d'autre, t'étais dans l'obligation de lui donner. Afin de préserver la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le protéger en dépensant nos biens et nos âmes. Comme Allah azza wa jalla dit, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur les croyants que ceux-ci n'ont sur eux-mêmes. Le prophète a plus de droits sur les croyants que ceux-ci n'ont sur eux-mêmes. C'est-à-dire, s'il te demande une chose, yani tu dois lui donner. L'imam Ibn Kathir a dit, ça ressemble également au hadith rapporté dans les deux authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous ne croira pas jusqu'à ce que je sois plus aimé à lui que son enfant, que ses parents et que tous les gens. S'il est plus aimé à toi que tous ceux qui sont décrits, bien évidemment, il te demande une chose, tu vas pas lui refuser. Ils ont dit que ça, c'était parmi les particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, quelqu'un d'autre te demande une chose, c'est pas une obligation de lui donner. Selon ce qui est cité dans cette mas'ala. Une autre mas'ala, rapportée dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon As-Sa'b ibn Jathama, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, La hima illa lillahi wa rasulih. Al-Hima, c'est une terre que le gouverneur sauvegarde et réserve pour yani, l'intérêt du pays. Le gouverneur va réserver une partie de la terre pour les intérêts du pays. Ça s'appelle Al-Hima. Par exemple, il peut la réserver pour le pâturage des bétails de la zakat. Quand les gens ils donnent la zakat des chameaux, la zakat des brebis, la zakat des vaches, ça sera gardé dans ces lieux-là, dans ces terres qui ont été déterminées par le gouverneur. Ça s'appelle Al-Hima. Dans ce hadith, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dit, il n'y a pas de terre sauvegardée que ce que Allah a sauvegardé ou son messager. La signification de ce hadith admet deux sens que le Hafidh Ibn Hajar a cité dans Fath al-Bari, que je vais vous citer ici. La première, c'est que personne ne peut désigner une terre comme un hima, la sauvegarder, c'est-à-dire ça sera interdit pour le musulmin de s'y rendre ou de faire paître leur bétail, ça sera interdit pour eux. Donc ils ne déterminent une terre comme ils ne la sauvegardent que pour les musulmans, que Allah et son messager. La deuxième signification, il ne peut sauvegarder des terres pour l'intérêt général que comme Allah et son messager ont fait. Et d'après cette deuxième signification, le gouverneur et les successeurs après le prophète, les gouverneurs des musulmans, ils peuvent déterminer des terres de cette manière. Et ça, c'est la vie juste qui est renforcée avec la parole de Omar radiallahu anhu et avec l'acte de Omar radiallahu anhu qui a lui-même déterminé des terres comme des hima pendant sa gouvernance radiallahu anhu. Et de cette manière, ceci n'est pas spécifique au prophète alayhi salatu wasalam. Ceux qui ont dit que c'est spécifique au prophète alayhi salatu wasalam et ça fait partie de ses particularités, ils ont pris le premier avis. C'est-à-dire les terres qui sont sauvegardées, c'est uniquement les terres que le Nabi alayhi salatu wasalam a sauvegardées pendant son vivant. Après, personne ne peut faire cela. Mais ce qui est juste, c'est que tous les gouverneurs après lui peuvent faire cela. On a fini le chapitre de la nourriture. Il nous reste deux points qu'on va faire tout de suite. Mais il est là. Le premier, ça concerne le cadeau. Nabi Isa alayhi salam, il acceptait le cadeau. Il rétribuait celui qui lui donnait un cadeau en lui donnant quelque chose égal ou supérieur. Ça, c'est un hadith rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Dans, chez Ibn Abi Shayba, il a dit, il donnait ce qui était meilleur. Nabi alayhi salam, quand tu lui donnais un cadeau, il te donne, en contrepartie, un autre cadeau d'une valeur égale ou supérieure. Mais dans Ibn Abi Shayba, il donnait quelque chose d'une valeur supérieure. C'est pour ça, un homme a donné un chameau au prophète alayhi salam, Nabi alayhi salam lui a redonné. Il n'a cessé de lui donner jusqu'à ce qu'il a été satisfait. Et Malikiya ont pris ce hadith dans l'authentique de l'imam al-Bukhari pour dire que c'est une obligation. Quand quelqu'un te donne un cadeau, de lui donner un cadeau égal ou supérieur. Yani égal, c'est obligatoire, supérieur, c'est recommandé. Et ils ont dit ça, c'est obligatoire dans le cas où celui qui te donne le cadeau, on sait de lui qu'il veut une contrepartie. On sait de lui qui veut recevoir en contrepartie de toi. Et quand est-ce qu'on le sait? Ils ont dit, ils ont donné un exemple. Comme le pauvre qui fait un cadeau à un homme riche. Quand un pauvre fait un cadeau à un homme riche, en général, il souhaite recevoir un cadeau de la part de l'homme riche. Égal au sien ou supérieur. En général, il souhaite supérieur. Contrairement à si un homme riche donne un cadeau à un homme pauvre. Ils ont dit, lui, il n'est pas dans l'obligation de lui donner. Parce que l'homme riche, quand il donne un cadeau à un pauvre, il ne veut pas une contrepartie en général. Et ils ont dit, pourquoi on dit que c'est obligatoire? Parce que le Nabi Issa salam le faisait constamment. À chaque fois qu'on lui donnait un cadeau, il donnait égal au supérieur. Cette constance dans l'acte du prophète alayhi salam nous permet de dire que c'est obligatoire, comme celle Malikiya ont dit. Les autres savants ont dit, non, on dit que c'est uniquement recommandé et surrogatoire, et ce n'est pas obligatoire, parce que le simple acte du prophète alayhi salam n'indique pas l'obligation. Et l'obligation, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, dans son ancien avis. Lui aussi, il voyait que c'était obligatoire. Après, il a changé d'avis. Le dernier avis de l'imam Shafi'i, c'est que c'est recommandé uniquement. Et Nabi alayhi salam, il faisait cela pour plusieurs sagesses. On va citer que deux. La première, c'est Tawhid. Afin que le cœur reste attaché à Allah seul. Car quand quelqu'un te donne un cadeau, en général, tu penches vers lui et tu tends vers lui et yani, tu vas voir, l'être humain, Allah l'a créé comme ça. Il penche vers celui qui est bienfaisant envers lui. Donc, quand tu donnes égal au supérieur, ça empêchera cet attachement à la créature. Et l'attachement restera complet à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première sagesse. La deuxième sagesse, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui donnait un cadeau, il l'acceptait, alors qu'il était le gouverneur. Et on sait que le gouverneur est le responsable dans son travail. Il ne doit pas accepter les cadeaux. C'est interdit pour lui, c'est haram. Ça s'appelle ghuloul. Car c'est une forme de rishwa. C'est une corruption. C'est une forme de corruption. Entre parenthèses, pour mieux comprendre le terme employé en français, ils disent pot de vin. Mais c'est une forme de corruption. C'est une rishwa. Rishwa, c'est un mot muthallath. On dit rishwa, rushwa, rashwa. Et parce qu'il y a une suspicion à ce que le responsable dans ce poste accepte un cadeau de quelqu'un qui vient lui demander un service ou lui demander de faire son travail tout simplement. Et le gouverneur également. Si un de ses citoyens lui donne des cadeaux, cela est suspect. C'est pour ça qu'il lui est interdit de l'accepter, le cadeau. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il acceptait le cadeau car c'était spécifique à lui. Car lui, à son sujet, il n'y a pas de suspicion. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, il l'acceptait pour rapprocher de lui ces gens qui faisaient ces cadeaux. Car s'il refuse de lui ce cadeau, il peut s'éloigner du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et il peut y avoir des choses. Donc pour éviter tout ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il acceptait leur cadeau, mais il leur donnait égal ou supérieur. Allah Azza wa Jalla dit: "Wa ma ataytum min riba liyarbu fi amwali an-nas fala yarbu 'inda Allah." Tout ce que vous donnez et vous prêtez avec des intérêts, avec riba, pour augmenter vos gains aux dépens des biens d'autrui, tout ça ne produira aucun intérêt auprès d'Allah. C'est pour ça qu'ils ont dit que celui qui donne un cadeau en voulant recevoir davantage, c'est riba al-halal. C'est une forme de riba autorisée. Ils l'ont appelé comme ça. C'est une appellation. C'est un riba autorisé. Donc c'est autorisé de donner un cadeau en espérant recevoir plus. C'est autorisé. Et celui qui a cette intention, quand il donne un cadeau, il n'a pas de récompense, comme il n'a pas de péché, car c'est autorisé. Contrairement à celui qui fait un cadeau sans rien attendre en retour, celui-là, il est récompensé. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a été autorisé de donner un cadeau en espérant recevoir davantage selon cet avis. Allah Azza wa Jalla dit: "Wala tamnun tastakthir." Ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Le dernier point, ça concerne l'héritage. Ça concerne l'héritage. Dans le domaine de l'héritage, on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'hérite pas de lui. Ses héritiers, on les appelle quand même ses héritiers. Pourquoi? Parce que normalement, c'est eux qui héritent de lui. Mais ils vont pas hériter de lui parce qu'il y a un empêchement. Parce qu'il y a des textes qui leur interdit d'hériter. C'est pour ça qu'on les appelle ses héritiers, mais en réalité, ils héritent pas de lui. Donc, le prophète alayhi salam alayhi, ainsi que tous les prophètes, tout ce qu'ils laissent derrière eux, ne sera pas réparti entre leurs héritiers. Ça sera donné en sadaqa, une aumône. C'est pour ça, Fatima radiallahu anha, la fille de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée, après la mort de son père, elle est venue voir Abu Bakr as-Siddiq. Ceci est rapporté dans les deux authentiques. Et elle lui a réclamé sa part dans l'héritage de son père. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anha lui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire, on n'est pas hérité, et tout ce qu'on laisse derrière nous, ça sera une sadaqa. C'est-à-dire, ça sera donné à la trésorerie des muslimines. Et ensuite, Abu Bakr Siddiq a dit à Fatima radiallahu anha, la famille du prophète alayhi sallam vont manger de ses biens, yani la trésorerie des muslimines. Et je n'interromprai pas un don qui a été donné, yani parmi ce qui a été le droit du prophète alayhi sallam, il continuera à le donner à sa famille. Donc, il va pas leur arrêter tout ce qu'ils recevaient auparavant. Mais l'héritage, il n'y a pas d'héritage. Car les prophètes ne laissent pas, yani, quelque chose qui est donné aux héritiers. Tout ce qu'ils laissent derrière eux, c'est pour la trésorerie des muslimines. Et ça, c'est pour démontrer encore une fois de plus que les prophètes ne sont pas venus pour un intérêt mondain et n'ont pas voulu s'enrichir et amasser les fortunes de ce bas monde. Ils sont venus pour transmettre le message d'Allah. Et quand ils quittent ce bas monde, ils ne laissent rien derrière eux de dunya. Ils laissent une religion. Dans un autre hadith, selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, mes héritiers ne prendront rien de mon héritage. Ce que je laisse après moi, après les dépenses de mes épouses et les dépenses de mon employé. On va voir la signification de mon employé. Donc, après la mort du prophète, on donne à ses épouses ce qu'il leur faut pour dépenser et à son employé ce qu'il lui faut et tout le reste sera réparti en aumône. Ça, c'est un hadith rapporté dans les deux authentiques. L'employé, les savants ont donné quatre avis, comme a cité Ibn Hajar dans Fath al-Bari, rahimahullah. Quatre avis. Le premier, c'est que l'employé ici, c'est celui qui s'occupe des biens que Nabi alayhi sallam a laissé derrière lui et dont l'intérêt pour les muslimines. Ce qu'on appelle l'waqf. Donc, lui, il continue à prendre son salaire. Deuxième avis, l'employé, c'est celui qui lui succède à la gouvernance de la Ummah, ainsi que ceux qui collaborent avec lui. Ils auront un salaire. Troisième avis, son employé, c'est son serviteur, c'est celui qui était à son service. Quatrième avis, c'est celui qui a été chargé de récolter la zakat. Il prend un salaire. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que les prophètes, dans le domaine de l'héritage, ils ne laissent pas d'héritage derrière eux. Et sur ce point, il y a unanimité des savants. Un consensus. C'est pour ça on regarde pas ce que les égarés parmi Shia et parmi Rafida disent. Et leur ignorance, il dit l'imam Ibn Kathir, est tellement évidente et flagrante. Voilà pour aujourd'hui. Il va nous rester, bi'idnillah, deux cours. Un cours sur le domaine du mariage, et c'est le domaine le plus important dans ses spécificités. Et il restera quelques points, ainsi que les différentes formes d'intercession, avec lesquelles terminera l'imam Ibn Kathir le livre, qu'on fera dans un deuxième cours, bi'idnillah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته